acide ni omungere. Vous suivez la radio Isanganiro et bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Les dégâts occasionnés par la montée des eaux du lac Tanganyika continuent à s'alourdir au Burundi malgré la délocalisation du port commercial de Rumonge vers un autre site. Ce dernier est de nouveau menacé par l'eau du lac Tanganyika et à Bujumbura. Des initiatives pour faire face à cette situation sont engagées même si pour certains ne tiennent pas. Vous entendrez les détails dans cette édition. Et 5 organisations des professionnels des médias réunies au sein de la Maison de la Presse du Burundi disent avoir appris avec regret l'arrestation de la journaliste Sandra Mohoza du journal en ligne La Nova et plaide pour sa libération. Et plus de 6000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en province de Kayanza depuis le début de cette année scolaire. Le relâchement chez les parents et l'ignorance chez les élèves sont quelques-unes des causes selon les responsables scolaires. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. La journaliste Sandra Mohoza du journal en ligne La Nova et qui travaille pour la radio Numbero FM à partir de la province Ngozi est toujours dans les mains de la police depuis samedi selon des informations provenant de son corps de sécurité sans précision du lieu de détention. Sa famille et son journal disent avoir jusqu'ici ignoré le motif de son arrestation, précisant qu'elle a répondu à un appel d'une personnalité qui lui promettait des informations. Tous plaident pour sa libération. Et en réaction également, 5 organisations des professionnels des médias réunies au sein de la Maison de la Presse du Burundi disent avoir appris avec regret la privation de liberté de la journaliste Sandra Mohoza du journal La Ligne La Nova. Dans un communiqué de presse de ce jeudi 18 avril, ces organisations demandent que le motif de sa privation de liberté soit connu et que des enquêtes soient effectuées dans le strict respect de la loi. Selon toujours ces organisations, à l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse, elles souhaitent que Sandra Mohoza soit relâchée et rappelle aux États de respecter et faire respecter le droit de la liberté de la presse. Elle appelle par la même occasion les journalistes burundais à la solidarité, de mettre en avant la confraternité et de faire valoir leur professionnalisme. De la justice à l'environnement, une partie du port de Bujumbura a été envahie par les eaux du lac Tanganyika et des entrepôts de l'Office burundais des recettes sont déjà fermés alors qu'une partie de la société Global Port Service est toujours exploitable. Les produits déchargés des bateaux sont déclarés au service des douanes puis sortent immédiatement du port. Le point avec Mireille Kanyang. L'entrée principale du pont de Bujumbura est dans l'eau. L'intérieur ressemble à un lac. On entend aussi le bruit d'un moteur qui évacue les eaux du lac Tanganyika qui ont débordé vers l'extérieur du côté de Safi Beach. Une fois à l'intérieur du port, passant par les bureaux du Global Port Services, l'on voit que le parking habituel des véhicules attendant le chargement et le déchargement des marchandises est débordé. Se rendant du côté du quai nord, l'on voit des bateaux en train de charger et de décharger des produits, notamment le ciment. À cet endroit, les activités continuent. Après chargement, des véhicules passent par le pont bascule et les services des douanes s'activent et ces véhicules sortent immédiatement. C'est également le contenu d'un communiqué du commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR de ce 16 avril, invitant les importateurs à déclarer la mise en consommation de leurs produits et de les sortir du pont de Bujumbura. Des informations obtenues font savoir que ce système a été instauré pour que les marchandises importées ne se détériorent pas une fois mises dans les entrepôts de peur des menaces des eaux du lac Tanganyika. Et c'est pour barrer le chemin à ces eaux que des ouvriers du Global Port Services sont en train de construire un mur. De l'autre côté, derrière, le Bura effectue des travaux de protection de ce pont de Bujumbura. Merci Mireille Kanyang. Toujours dans ce chapitre, le port commercial de Rumonge a été délocalisé vers un autre site après son inondation suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Malheureusement, le nouveau site est aussi menacé par cette montée et Agrippine Nduwimana, directrice de ce port, demande à la direction générale de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire de s'apprêter à intervenir à chaque fois de besoin. De Rumonge, Jean-Pierre Misako. Dans des hangars aux murs et toitures en tôle, côté gauche en empruntant la rue pavée menant vers le port commercial de Rumonge, aujourd'hui complètement inondé suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. C'est là où les activités portuaires ont été délocalisées. Agrippine Nduimana, directrice de ce port, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la construction urgente de ces nouvelles infrastructures portuaires, dit qu'on n'est pas complètement à l'abri du danger. Après que nous avons déménagé, le lac a continué à monter. Même, vous voyez, entre le lac et le nouveau hangar que nous avons construit, il n'y a même pas 50 mètres. Alors, on peut envisager que le lac va reculer et le lac peut continuer à monter. Hussein Ngejimana, faisant le commerce transfrontalier via son port, dit que la situation est similaire dans les ports des pays voisins situés sur le lac Tanganyika. Il indique que la sécurité des marchandises comme le moukéké fumé n'est pas garantie dans ces hangars construits à la hâte en cas de forte pluie. La directrice du port commercial de Rumonge appelle à toute personne capable, à commencer par la direction générale de son ressort, à être aux côtés de cette direction pour suivre de près cette montée des eaux du lac Tanganyika. Jean-Pierre Misago depuis le port commercial de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Ils observent des initiatives pour faire face à la montée des eaux du lac Tanganyika dans la ville de Bujumbura. D'une part, ce sont des initiatives publiques menées pour protéger la station de pompage de l'eau de la régie de distribution de l'eau et de l'électricité régie des eaux et le boulevard du Japon. D'autre part, ce sont des particuliers qui essaient de protéger leurs bâtiments dans les localités déjà affectées. Jean de Dieu, il a côté. En passant par le boulevard du Japon, près du lac Tanganyika, des initiatives en cours pour contrer la montée des eaux du lac Tanganyika sont visibles. En commençant par la station de pompage de l'eau de la régie des eaux, l'agence routière du Burundi, ARB, est à l'œuvre. Ses camions et ses machines s'attellent aux travaux de protection de la dite station. Tout près de cette station, l'aménagement des gabions est en cours pour protéger ce boulevard. Cela étant, une partie de cette route a été envahie et bloquée. Du côté de l'avenue de la plage, elle est inaccessible presque totalement. Lors de la descente conjointe effectuée par le ministre en charge des infrastructures et celui en charge de l'énergie, Ibrahim Ouizeye, c'était en date du 17 mars dernier, Dieudonné de Koundané a indiqué que le gouvernement burundais fera tout son possible pour protéger les infrastructures, mais dans les limites des moyens disponibles, a-t-il nuancé. En parallèle de ces initiatives publiques, il existe des efforts des privés qui essaient de faire leur mieux pour contrer ces eaux dans leur ménage. Nous pouvons dire notamment les habitants du quartier Kinindo-Ouest, où certains essaient de se protéger au moyen des sacs remplis de sable et déposés tout autour de leurs habitations au moment où d'autres essaient d'ériger des murs. Ces efforts sont également nombreux dans d'autres localités déjà touchées comme Kiwenga. Concernant ces efforts des particuliers, il est remarquable que nombreux ont été anéantis. Merci Jean de Dieu, il a causé plus de 300 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire suite au changement climatique au Burundi. Cela ressort d'un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et du système des Nations Unies. C'était mardi de cette semaine. Le gouvernement du Burundi appelle ses partenaires d'appuyer le pays dans la gestion des risques et catastrophes. Le ministère de l'Intérieur indique que le Burundi fait partie des 20 pays du monde les plus vulnérables suite au changement climatique. D'après toujours ce communiqué, des prévisions météorologiques montrent que jusqu'au mois de mai 2024, les précipitations attendues seront au-dessus de la normale. Sur ce, le professeur Bernard Sindayihebura, expert en aménagement du territoire et environnementaliste, suggère au gouvernement du Burundi d'en profiter de cette occasion pour déclarer l'état d'urgence et demander également la tenue d'une réunion internationale des experts en environnement. Cette rencontre, selon lui, devrait dégager des actions concrètes à mener, à commencer par des statistiques autour des dégâts localement occasionnés par ce phénomène El Nino. Pour lui, des experts burundais doivent aussi rester vigilants pour veiller à la protection de la population et des infrastructures d'intérêt public. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous suivez la radio Isanganiro dans les nouvelles des provinces. Plus de 6200 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en province scolaire de Kayanza depuis le début de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin du second trimestre. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation dans cette province, indique que certaines des causes de ce taux élevé sont entre autres l'ignorance des élèves vis-à-vis de l'importance de l'école et le relâchement de certains parents en matière de l'éducation de leurs enfants. De Kayanza, Patrick Nsengiyumva. Selon les données chiffrées fournies par la Direction provinciale de l'éducation à Kayanza, depuis le début de cette année scolaire en cours jusqu'à la fin du second palier, les camps d'abandon scolaire signalés en cette province sont au nombre de 6288. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, cite parmi les causes de ce décrochage scolaire l'ignorance de l'importance de l'école par certains élèves qui abandonnent l'école, certains parents qui ne suivent pas de près l'éducation de leurs enfants et les élèves qui décrochent l'école au profit des petits commerces pour gagner de l'argent. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza ne mâche pas les mots toutefois en dénonçant le comportement de certains responsables scolaires qui donnent de faux rapports avec des chiffres erronés. Désiré Atungimana met en garde ces responsables scolaires qui n'accomplissent pas convenablement les missions leur assignées, que des sanctions qui s'imposent leur sont réservées. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza s'inquiète de la recrudescence des cas d'abandon scolaire en cette province qui augmente d'une année scolaire à l'autre et appelle tous les intervenants dans le secteur de l'éducation à Kayanza à la conjugaison des efforts en ce qui est de la conscientisation des élèves vis-à-vis de l'importance de l'école. Signalons que l'année scolaire passée, la province scolaire Kayanza a enregistré environ 18 173 cas d'abandon scolaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Pour clore cette édition, parle de l'agriculture. Les agriculteurs de la commune Ebusoni en province Kirundo qui ont vendu leur production du maïs à l'Agence nationale de gestion des stocks en AGESA se lamentent qu'ils n'ont pas encore eu leur argent il y a à peu près un mois. L'administrateur de cette commune, Richard Ngabonziza, regrette que la somme que devraient avoir ces agriculteurs était présente sur les comptes d'une façon théorique et demande le déblocage de cet argent de Kirundo. Abraham Safari. Des lamentations sont multiples au sein des agriculteurs de la commune de Busoni, province de Kirundo. Ces derniers signalent qu'ils ont vendu leur production de maïs au centre de collecte à Nagesa il y a à peu près un mois, mais ils ne sont pas encore payés. Toutefois, selon les témoignages de certains, ils ont demandé leur paiement, mais en vain. La réponse était que l'argent n'est pas encore disponible. L'administrateur de la commune de Busoni, Richard Ngabonziza, a fait savoir qu'ils ont acheté la récolte par dette tout en espérant que le paiement sera rapide. Mais, a-t-il ajouté, l'argent était disponible sur les comptes de la commune, mais le retrait était impossible car cet argent était disponible dans les écrits seulement. Richard Ngabonziza précise également que les stocks sont presque remplis, on pourra bientôt manquer de l'espace. Il précise également que les informations qu'ils ont eues de la part de la COPEC et Kirundo disent qu'ils ont eu 5 milliards dans 27 milliards qui étaient prévus pour le paiement de ces agriculteurs. Cette autorité demande que le paiement soit immédiat, comme l'a ordonné le Premier ministre. Sachez que ce même problème de paiement de récolte par la Nagesa se parle également dans les autres communes de la province de Kirundo. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et c'est par cet élément que nous bouclons les boucles de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration technique de Séraphine Akizimana à la présentation. Vous étiez avec Placide Niomongere. Et bonne suite des programmes sur Isanganiro.